France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, quand les dirigeants sans scrupules d'un pays européen, la Roumanie, échangent des juifs contre du bétail. Entre la fin des années 50 et la chute du régime communiste en 1989, la Roumanie donc a laissé partir les juifs implantés sur son territoire, malgré ses frontières barricadées, d'abord contre des bestiaux, vaches, moutons et même des porcs, ensuite contre des valises de billets. Tenu secret, ce troc, tellement choquant, tellement immoral, a rapporté des centaines de millions de dollars à la dictature de Ceausescu et de son prédécesseur. Il a aussi conduit à effacer presque totalement la population juive de Roumanie. La moitié, au moins, a péri dans une Shoah à la roumaine, particulièrement cruelle et méconnue. Les survivants, eux, ont dû ensuite emprunter les chemins de l'exil, poussés vers la sortie par les politiques antisémites qui se sont poursuivis sous les communistes, contre marchandises ou devises. Et c'est ainsi que se réalisa le vœu des régimes totalitaires qui ont gouverné le pays avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, bâtir une Roumanie ethniquement pure. Notre invitée aujourd'hui, Sonia de Müller, de France Inter, bien sûr, autrice d'un ouvrage paru au mois d'août dernier, intitulé « Les exportés chez Flammarion ». Elle y raconte l'histoire de sa famille, l'histoire de sa mère et de ses grands-parents, dont la liberté dut être troquée contre des cochons. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Sylvie Fagnard, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Un petit matin de juillet 1978, un homme se présente à la réception de l'ambassade des États-Unis à Bonn, capitale de la République fédérale d'Allemagne. Il porte un banal costume croisé gris et ses épaisses lunettes d'écaille que les messieurs sérieux affectionnent à l'époque. Cet homme, qui ressemble à n'importe qui, est pourtant loin d'être n'importe qui. Il s'appelle Yonmiai Pachepa et il va devenir l'espion le plus gradé passé d'est en ouest en ces temps de guerre froide. C'est en effet un cacique du pouvoir communiste roumain qui vient de frapper à la porte des États-Unis. Il a été premier adjoint de la direction de l'information extérieure, les services secrets, de 1966 à 1972. À cette date, il devient conseiller à la sécurité de Nicolae Ceaușescu avant de claquer la porte 6 ans plus tard. Ce transfuge provient en ligne directe du Saint-Dessins, l'entourage immédiat du leader communiste. Autrement dit, un gros poisson pour le camp occidental, une prise de guerre, froide. Et forcément, son passage à l'ennemi provoque une déflagration au sein du pouvoir à Bucarest. Un tiers des ministres est limogé sans délai, comme 22 ambassadeurs, ainsi que tous les cadres de la direction de l'information extérieure. Il se chuchote même dans les chancelleries occidentales que le conducteur, ainsi que se nomme le dictateur roumain, ne sort pas de la dépression dans laquelle plonge cette trahison. Par deux fois, le régime communiste condamne Pachepa à mort. Ceausescu met sa tête à prix pour 2 millions de dollars. Il charge même le terroriste Carlos d'éliminer le renégat. Mais sans succès, celui-ci mourra du Covid aux États-Unis en 2021. Les secrets de Pachepa sont si nombreux qu'il faudra 4 longues années à la CIA pour le débriefer, comme ils disent, chez les espions. Homme libre désormais, il ne se contente pas de tout dire au service secret américain. Non. En 1987, il publie ses mémoires, titrées « Red Horizons ». Elles sont traduites en français 1 an plus tard, sous le titre « Horizon Rouge », que son éditeur annonce ainsi « une description de la dictature de Ceausescu qui rejoint et dépasse parfois celle qu'avait faite Alfred Jarry de la Paul David Dubu ». Pachepa lève le voile sur les obsessions diverses de Ceausescu, l'hygiène notamment, et son immense paranoïa. Il écorne l'image travaillée de la Roumanie, celle d'un membre du pacte de Varsovie sachant faire preuve d'indépendance vis-à-vis de l'URSS. Et c'est là qu'il décrit aussi le marchandage auquel se livre le régime roumain. Bucarest devait recevoir une certaine somme en liquide, à négocier au cas par cas selon l'âge, l'éducation, la profession, la situation de famille, selon chaque juif autorisé à immigrer. En 1978, cette somme allait de 2 000 à 50 000 dollars par personne. Dans certains cas, elle pouvait atteindre 250 000 dollars. Ainsi donc, en Europe, dans les années 70, on vendait des juifs. Les lecteurs du Monde et de Libé de l'époque n'en sauront rien. Dans les articles consacrés à la sortie du livre de Pacepa, nulle mention n'est faite de cet étrange commerce. Les rédactions en chef auraient coupé les passages le mentionnant, trop énorme pour être crédible. Dans ses mémoires, l'ancien agent secret date l'amorce du trafic à la fin des années 50. Moins de 15 ans après le génocide perpétré par l'Allemagne nazie et ses alliés, c'est donc la Roumanie qui cette fois traite les juifs comme une marchandise. Pour comprendre cette folie, il faut remonter bien avant-guerre, jusqu'au traité de Versailles de 1919. La Roumanie signe aux côtés des alliés les conditions de reddition des ennemis allemands et austro-hongrois. Elle double ainsi sa superficie grâce à de nouveaux territoires prélevés aux vaincus. La Roumanie est également signataire, toujours en 1919, du traité des minorités qui l'engage à accorder la naturalisation à toute sa population juive, notamment celle très nombreuse de ces nouveaux territoires. Dans le chaudron bouillonnant de l'époque des années 30, la Mittel Europa, la Roumanie n'est pas épargnée par la logorée antisémite. Ici comme ailleurs, sur le continent, jaillissent, dans le sillage de la Grande Dépression de 1929, des mouvements nationalistes dont le dénominateur commun reste la haine du juif et du bolchevique confondus dans un même péril. Pour couper l'herbe sous le pied de la virulente garde de fer, le mouvement fasciste qui fait défiler dans les villes et les villages des colonnes de jeunes gens en chemises vertes et bleues, les gouvernements nationalistes et conservateurs qui se succèdent au cours des années 30 entreprennent une roumanisation accélérée du pays. Comprendre, barrer aux juifs l'accès aux études et aux professions intellectuelles, comme à l'administration et aux fonctions d'encadrement dans l'industrie, tout en leur interdisant la propriété financière, foncière et financière. Mais on préfère toujours l'original à la copie. Les décisions antisémites du gouvernement conservateur ne suffisent pas. La garde de fer et son leader Corneliu Codreanu continuent à imposer leurs lois dans la rue et menacent le pouvoir royal. Oui, la Roumanie est alors une monarchie parlementaire. En tout cas, c'en est trop pour le souverain Carol. Il ordonne l'exécution de Codreanu. De quoi faire basculer le pays dans le sang et le chaos. Beaucoup le craignent, et en particulier les membres de la communauté juive. L'un d'eux, avocat mais aussi écrivain de Bucarest, Mikhaïl Sebastian, écrit sa peur dans son journal, au lendemain de l'enterrement du chef de file fasciste. Stupeur et calme, une sorte de calme figé. J'ai l'impression que personne ne s'est remis de l'effondrement initial. Il serait logique que cette peur muette débouche sur de l'antisémitisme, c'est une soupape de sécurité. Il n'est pas impossible que le gouvernement l'ouvre lui-même. Il se pourrait que ce soit encore nous qui payons. La mort de son chef ne décapite pas la garde de fer. Les attentats se multiplient et plusieurs ministres sont tués. Comme convenu dans les avenants secrets du pacte germano-soviétique, l'URSS envahie et occupe la Roumanie du Nord. Hitler, de son côté, en découpe une partie à l'ouest. En trois mois, entre juin et septembre 1940, le pays a perdu un tiers de son territoire et de ses habitants. Le peuple roumain, chauffé à blanc par les légionnaires de la garde de fer, tient le roi pour responsable de ce démembrement de la Grande Roumanie. En octobre 1940, le souverain est contraint d'abdiquer. Il cède le pouvoir au général Ion Antonescu, un militaire proche des milieux d'extrême droite qui gouvernera avec la garde de fer. En roi fantoche, Michel, fils de Carol, sert de paravent à la junte fasciste. Cette dernière institue un nouveau régime qu'elle baptise l'État national légionnaire, tout un programme. L'une de ses premières mesures est d'établir un statut des juifs, inspiré des lois raciales de Nuremberg. De 1940 à 1942, 32 textes, 31 décrets et 17 résolutions gouvernementales antisémites sont publiés dans le journal officiel. Fin 1940, la Roumanie rejoint les puissances de l'Axe. Comme ça, c'est complet. La coopération militaire avec l'Allemagne s'amorce. Extrait des actualités mondiales du 8 janvier 1941. La Roumanie a adhéré dernièrement à ce pacte. À cette occasion, à Bucarest, le roi Michel, ayant à ses côtés le général Antonescu, passe en revue les troupes allemandes qui défilent devant le jeune souverain. Avec la rupture du pacte germano-soviétique et le début de l'opération Barbarossa, le 22 juin 1941, le jour où l'armée allemande envahit l'URSS, la guerre entre de plein pied en Roumanie. Et aux côtés de la Wehrmacht, les Roumains sont en première ligne, avec l'objectif clair et assumé de reprendre les territoires dont les soviétiques les ont spoliés en 1940. Mais la reconquête s'accompagne d'un feu vengeur contre les populations juives locales. On les accuse d'avoir accueilli trop aimablement l'occupant soviétique. On les caricature sur des feuilles imprimées qui passent sur la tête, faucilles et marteaux dans les mains. À Iași, 400 km au nord de Bucarest, les murs se noircissent d'affiches. On y lit « Roumain, à chaque youtre que vous tuez, c'est un communiste que vous liquidez. L'heure de la vengeance a sonné. » Le 27 juin 1941, le général Antonescu donne l'ordre de nettoyer la ville de Iași et de sa population juive. Et le 28, la chasse à l'homme commence. Dans une Saint-Barthélemy version pogrom, les militaires et les gendarmes, épaulés par des citoyens roumains, massacrent 8000 juifs en une nuit, dans la rue. Un coup de baïonnette dans le ventre, une balle dans la tête. Plus de 5000 autres personnes sont emmenées dans des wagons à bestiaux, sans eau ni nourriture. On leur promet la déportation, loin, en URSS. En réalité, ces 5000 hommes, femmes, enfants mourront pour la plupart dans leur cercueil roulant, d'asphyxie, de soif, de faim. Ça a été un incident d'une sauvagerie inouïe, d'une bestialité qu'on ne peut pas trouver trop souvent, même dans l'histoire de la Shoah en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Radu Ioanid. Les gens ont été massacrés dans les rues de Iași avec des barres de fer, avec des coups de baïonnette, de nouveau par des soldats roumains, par des soldats allemands, mais aussi par des voisins roumains. Témoignage du grand historien de la Shoah en Roumanie, Radu Ioanid, sur l'antenne de France Culture, c'était en 2004. 13 226 victimes seront identifiées, et d'autres pogroms suivront. Un déchaînement de violence et de cruauté au-delà de l'imaginable. Le régime d'Antonescu installe des camps de prisonniers pour les opposants politiques, les tziganes et les juifs, et évidemment. À Bogdanovka, dans une abomination absolue, 8000 d'entre eux sont parqués. En décembre 41, les forces roumaines en tuent d'abord 5000 en les enfermant dans une porcherie à laquelle ils mettent le feu. 1000 seront précipités dans des puits, le restant abattus à bout portant avant d'être précipités dans un ravin. Les Roumains y brûlent vifs des enfants. Près de la moitié de la population juive de Roumanie disparaît ainsi au cours de la guerre. De 800 000 dans les années 30, il n'en reste plus que 350 000 en 44. Même si les frontières ont beaucoup bougé entre les deux époques et qu'il est difficile de tracer les contours précis d'une population d'une date à l'autre, les historiens estiment le nombre de victimes juives de 200 000 à 400 000 personnes. Résultat, plus un seul juif ou presque en Bessarabie, en Bucovine et en Transylvanie du Nord. En revanche, la population juive du vieux royaume, composée de la région du Bucarest et de la Transylvanie du Sud, garde la vie sauve dans sa grande majorité. Pour autant, les juifs de la capitale connaissent les spoliations, les enfermements arbitraires, les interdictions d'exercer toutes les professions, ou presque. Une terreur permanente. L'historienne Alexandra Léniel-Lavastine en explique la raison au micro de France Culture en 2009. Les plans de déportation pour le camp de Belzec des Juifs du dit Vieux Royaume étaient en réalité fin prêts à l'été 1942, jusque dans les moindres détails. Ils devaient être déportés par train jusqu'à Belzec. Et puis au dernier moment, les Roumains se ravisent, commencent à entamer des négociations secrètes avec les Alliés et se disent qu'il serait peut-être préférable, en quelque sorte, si j'ose dire, de garder leurs Juifs, en tout cas les Juifs du Vieux Royaume, comme monnaie d'échange, dans l'hypothèse d'un retournement des armes contre l'Allemagne. Monnaie d'échange dans la perspective de négociations avec les Alliés, les Juifs l'ont d'abord été dans les rapports d'Antonescu avec Hitler. Le général roumain retarde son intention de déporter massivement pour faire plier le dictateur nazi au sujet de territoires qu'il refuse de rendre à la Roumanie. Au cours de son procès en mai 46, l'ancien chef du gouvernement fasciste joue cette carte précisément, celle du défenseur, du sauveur même des Juifs du Vieux Royaume. En réalité, ceux-ci ne durent leur survie qu'au retournement de veste opportuniste d'Antonescu et de sa clique. Parce qu'à ce moment-là, le vent commence sérieusement à tourner. Aujourd'hui, l'échange des Juifs en Roumanie contre du bétail, notamment. France Inter, affaires sensibles. Au cours de la bataille de Stalingrad, qui dure 6 mois, l'armée roumaine perd 200 000 hommes. Fin novembre 1942, les Soviétiques encerclent la ville que les Allemands étaient presque parvenus à conquérir. Fin février 1943, la Wehrmacht est asphyxiée dans la cité assiégée. Le maréchal allemand Paulus capitule. C'est le grand tournant de la Seconde Guerre mondiale. Et pour la Roumanie, c'est l'heure de changer de camp, comme le raconte ce documentaire consacré à la conférence de Yalta, diffusé sur l'ORTF en 1965. Tout change avec l'approche des troupes soviétiques. Au mois d'août 1944, Bucarest se soulève. Le roi fait arrêter le conducteur et rompt avec l'allié de la veille. Celui-ci réplique par un bombardement impitoyable. Les prisonniers allemands prennent le chemin des camps où tant d'antifascistes ont souffert. Bucarest est libéré par les patriotes le même jour que Paris, le 24 août. Peu après, la capitale fait un accueil enthousiaste aux troupes soviétiques. La République populaire roumaine voit le jour le 30 décembre 1947, dirigée par un parti unique, le Parti ouvrier roumain. Le communisme n'est pourtant pas un courant dominant dans le pays. Les formations se réclamant du marxisme sont encore embryonnaires en 1944, quelques centaines de partisans, tout au plus. Mais le Parti ouvrier va compter rapidement des centaines de milliers de membres. Ainsi va la division du monde, décidée par les grandes puissances victorieuses à la conférence de Yalta. Parmi ces nouveaux convertis au communisme, de nombreux juifs. Oui, pour eux, cette promesse d'égalité entre les humains ne peut être qu'un soulagement. L'espoir d'une vie sans la peur. Et pour appuyer cet espoir, il y a ces responsables en haut lieu, juifs, comme eux. Anna Paukör, par exemple, née Anna Rabinovitch, la numéro 2 du régime, ministre des Affaires étrangères. Mais tous les juifs roumains ne se montrent pas aussi optimistes. Nombre d'entre eux sont candidats au départ immédiat pour Israël, dès sa création en 48. Les autorités roumaines délivrent cette année-là 70 000 passeports pour l'Alia, le retour vers la terre promise. Et puis, pragmatique et cynique, les communistes voient le succès de l'immigration au Proche-Orient comme une façon de régler la question juive, entre guillemets bien sûr, qui n'a pas été purgée au cours des procès de la trahison nationale, les procès en collaboration du général Antonescu et de ses affidés. Mais les communistes y voient aussi le signe d'un trait éternel affublé aux juifs, la traîtrise à la patrie des bourgeois sans racines. Au-delà même de la question roumaine, la consigne est venue du grand frère soviétique dès 1949. Le cosmopolitisme menace les républiques populaires, il faut donc l'éradiquer, et qui dit cosmopolite, dit juif. En 1952, Anna Pauker, la dirigeante historique des forces communistes roumaines, est limogée dans un climat antisémite intense. Cette année-là, l'immigration vers Israël est interdite. Et la répression reprend de plus belle en 57, puis en 58. Parmi les intellectuels dont on fait le procès expéditif, de nombreux juifs, bien sûr. D'autres sont accusés de délits économiques pour des peines passibles de mort. Le régime ordonne des fermetures arbitraires de cabinets médicaux, de boutiques et d'ateliers, empêchant des familles juives de subvenir à leurs besoins. Alors, quand la rumeur court d'une réouverture de l'immigration légale vers Israël, la réaction ne se fait pas attendre, comme le raconte dans ses mémoires le grand rabbin de Roumanie, Moïse Rosen. Quand les Juifs ont entendu, à Yom Kippour 1958, qu'ils pouvaient s'inscrire pour émigrer en Israël, l'effet fut électrique. Ils commencèrent à faire la queue au commissariat de police pour des permis de sortie. Ces scènes dramatiques se multipliaient partout dans le pays. Tous les jours, des milliers de Juifs rassemblés à Bucarest, à l'extérieur du commissariat central. La queue s'étirait sur des kilomètres. En septembre 1958, les autorités donnent leur accord pour 20 000 départs. Mais 100 000 personnes en avaient fait la demande. Un camouflet adressé à la vie radieuse dans les États socialistes. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'URSS n'a jamais desserré l'étau sur l'immigration vers Israël. Pour ne pas donner au monde extérieur les preuves que certains citoyens veulent quitter les pays de l'Est, hein, des fois qu'on n'y verrait pas bien. Cinq mois passent et l'ouverture déjà se referme. Les pays arabes protestent auprès de leurs amis roumains contre cette collaboration apportée au peuplement juif de Palestine. Des familles sont déchirées par les séparations. Certains ont pu partir, d'autres restent. Les candidats au départ malheureux subissent, qui plus est, un ostracisme social sévère. Ils perdent leur emploi, pour ceux qui en avaient encore un, et leurs amis leur tournent le dos. Au sein de la diaspora, on s'organise, on tente d'agiter des contacts restés au pays, de préférence des amis du régime. Un homme fait l'objet de la sollicitude de nombreux Roumains exilés. Il a des contacts réguliers et anciens au ministère de l'Agriculture, à Bucarest, mais aussi, et surtout, au sein de la Securitate, la fameuse police politique, toute puissante. Cet homme providentiel, c'est Henri Jacobeur, hongrois, juif lui aussi, immigré en Angleterre. Il est dans le commerce agricole. Brésil, Australie, Norvège, il fait venir de tous les coins de la planète les plus belles bêtes. Il propose aussi du matériel dernier cri. Petit replay. Henri Jacobeur porte des costumes très bien taillés. La London Touch. Et il présente bien et il fait rêver les grands chefs du ministère de l'Agriculture. Car la Roumanie, profondément rurale, veut faire sa grande mue productiviste au cours des années 50. Malheureusement, le pays manque de budget pour s'offrir la technologie de pointe que développent les industries occidentales. Faute d'avoir choisi le bon camp dès le début, le pays est assommé par les dommages colossaux à verser à l'URSS en réparation de la guerre. Bref, la Roumanie n'a rien à offrir et souffre d'un manque cruel de devises. Mais Jacobeur a une solution. Sans cesse, il est contacté par des familles roumaines juives, désormais établies à Paris ou à Londres. Ces gens seraient certainement prêts à débourser de fortes sommes pour réunir leurs proches restés derrière les frontières fermées de la Roumanie. Alors, le deal est simple. les Roumains accordent des permis de sortie à certains Juifs dont les familles régleront la transaction. Cet argent tombe dans la poche de Jacobeur qui, moyennant commission au passage, dégote les plus beaux produits du secteur agricole pour la Roumanie. Cet accord entre Jacobeur et l'État communiste, qui n'a jamais été formalisé, a tout de même laissé une trace dans les archives de la Securitat, consignant chaque action de ses agents avec un soin maniaque, comme en font preuve toutes les dictatures. Des notes comme celle-ci, datées d'octobre 1960, recueillies par l'historien Radu Ioannit. Jacobeur livrera les deux taureaux zébus d'Afrique et prendra également les frais de transport jusqu'à Bucarest. En échange, il demande que Iosif Lupescu et son épouse Margareta soient autorisés à partir. Tous deux sont des Juifs âgés. Pour les cinq porcs et pour le sperme, Jacobeur demande que les personnes suivantes soient autorisées à partir. Sigmund Schwartz et sa femme Sylvia, Saraga Stefania et son fils Yon Alim. Henri Jacobeur ne deal pas seulement des bêtes de concours et leurs paillettes productives. Non, il propose aussi dans son catalogue des tracteurs hyper modernes, voire des installations clés en main, comme ce poulailler XXL. Dans la région de Péris, à une trentaine de kilomètres de la capitale, les installations consacrées à l'élevage poussent alors comme des champignons. En 1965, on y construit même une usine de céréales pour Kellogg's. Parce que toute la production acquise grâce aux marchandises de Jacobeur est destinée au marché extérieur. Le délicieux bacon, c'est pour le petit déjeuner des Anglais, pas pour les Roumains, qui souffrent régulièrement de pénurie. Ces exportations rapportent 8 à 10 millions de dollars par an au trésor roumain. Le business de Jacobeur et de la Securitat aurait pu se poursuivre tranquillement. Mais en 1965, Gheorghe Georgiudej, chef de l'État roumain depuis l'institution du régime communiste en 1947, meurt d'une crise cardiaque. On lui désigne donc un successeur. Le 9e congrès du Parti communiste roumain restera inscrit en lettres d'or dans l'histoire de la Roumanie. Cet homme que vous venez d'entendre ouvrir le 9e congrès du Parti communiste qui le consacre, c'est Nicolae Ceaușescu, cette graine de dictateur, le sociopathe que le monde découvrira lors de la révolution de décembre 89. Pour autant, quand il apprend l'accord passé avec Henri Jacobeur et le commerce juif contre bestiaux, le nouveau leader voit rouge. Ion Pacepa le raconte dans son livre, il qualifie l'entreprise d'outrageante. Alors, un type bien, finalement, ce Ceaușescu? Rien du tout. Car 2 ans plus tard, il se ravise. Le besoin d'argent frais se fait trop pressant et le cynisme l'emporte. Ceaușescu, on a besoin de cet argent pour sortir la Roumanie sa dépendance économique à l'URSS. Et le trafic humain reprend. Mais plus besoin de s'embarrasser d'intermédiaires, plus question non plus de s'appuyer sur les familles des candidats à l'exil. Avec Ceaușescu, le troc imaginé par Henri Jacobeur prend une dimension industrielle et diplomatique. Les Roumains veulent maintenant traiter directement avec l'État d'Israël. Alors Jacobeur sort de scène pour laisser place à un autre personnage, une figure haute en couleur, un certain Cheikh Adan, spécialiste du passage des Juifs vers Israël. Avant la guerre, déjà, il accompagne des familles dans leur périple vers la Palestine. Depuis la Bessarabie de son enfance, ou toutes les autres régions d'Europe dans lesquelles la vie des Juifs est menacée, et elles sont nombreuses. Après 1945, il poursuit son œuvre pour le compte des services secrets israéliens. Et c'est tout naturellement avec lui que les Roumains commencent à faire affaire. À partir de 1967, à intervalles réguliers, il rencontre dans des hôtels chics de Vienne ou de Genève celui qui était déjà le correspondant d'Henri Jacobeur, le dénommé Gheorghe Marcou, membre redouté de la Securitat. Cheikh Adan n'oublie jamais sa mallette remplie de billets pour ses rendez-vous. De son côté, Marcou tient à disposition une liste de noms. Tous les 5 ans, et jusqu'à l'exécution du dictateur roumain et de son épouse en décembre 89, l'accord entre Dan et Marcou sera renouvelé. C'est un plan à exécution lente. Ceaușescu ne veut pas d'un exode massif. Les Juifs sont une marchandise trop précieuse. Ne dira-t-il pas, selon des propos rapportés par l'espion déserteur Ion Pacepa, que le pétrole et les juifs sont les meilleurs produits d'exportation roumains? Alors, il les laisse sortir du pays, mais au compte-gouttes, environ 1500 personnes par an. Entre 1968 et 1989, selon le calcul approximatif de l'historien Radou Yaonid, Ceausescu a vendu 40 577 juifs à Israël pour 112 498 800 dollars au prix de 2500 dollars et plus tard de 3300 dollars par tête. Et il est clair que l'accord israélo-roumain n'aura pas pu prendre corps sans le concours des autorités religieuses de la communauté juive de Roumanie, au premier rang desquelles Moïse Rosen, grand rabbin du pays. À la chute de Ceausescu, le dignitaire religieux juif sera accusé de collaboration avec le dictateur roumain, mais il assume. Notamment sur France Culture, au micro d'Antoine Speer, dans une émission diffusée en 1990. Mais disons qu'on a donné d'argent, je ne sais pas, je n'ai pas vu, on doit demander le gouvernement d'Israël, parce que moi je n'ai pas eu... On a donné de l'argent pour quoi, vous dites? Pour Alia, pour faire l'Alia. Oui, pour oui. Partir en Israël, qu'est-ce qu'il a donné l'argent? Pour partir en Israël. Qui les Américains, vous dites les Américains. Pas à moi. S'ils ont donné, pas à moi et pas par moi, même si on a donné d'argent pour sauver 400 000 juifs, si j'aurais l'occasion de le faire, je le ferai demain encore une fois. Le grand rabbin Rosen continuera jusqu'à sa mort à accompagner l'Alia de ses coreligionnaires. Il ne croyait pas à un avenir pour les Juifs en Roumanie. Intégration impossible. Finalement, ce commerce immoral, ce troc humain contre bétail, a-t-il permis de sauver des vies? Il aura en tout cas financé une longue dictature et parachevé l'entreprise d'épuration ethnique débutée par les nationalistes et les fascistes dans les années 30 en Roumanie. À cette époque, 800 000 Juifs y vivaient. En décembre 89, quand Nicolae et Elena Ceausescu sont exécutés en direct devant les caméras du monde entier, la communauté juive roumaine ne compte plus que 9000 membres. Until the fire is hungry, until the band isn't dead, until the world is a laughing thing, I'm going. Until the banks are all empty, until the moment is past, until the truth is a welcome friend, I'll have to just make it last. And we'll keep warming our shivering souls with dying embers, and we'll keep working these tired coals until the love grows. until the love grows cold. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, ce scandale de la Roumanie qui a échangé des juifs contre des biens matériels, de l'argent et même du bétail. Bonjour Sonia de Villers. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Dans Les Exportés, votre livre paru chez Flammarion, vous racontez comment vos grands-parents et votre mère ont quitté la Roumanie communiste et vous racontez que leur liberté a été échangée contre du bétail. D'abord, comment avez-vous découvert cette histoire, leur histoire qui est aussi... par filiation la vôtre, finalement, dans la mémoire. Hein. C'est une histoire qui est totalement méconnue en France. Vous l'avez très bien dit dans votre récit. C'est-à-dire que quand le livre de Yon Mikhaïl Pachepa est publié aux presses de la Cité, c'est vraiment des éditions à très grand tirage, avec une couverture très tape à l'œil, ça passe pas du tout inaperçu. Et pourtant, si. Et c'est vrai que c'est publié en 88 en France, et c'est vrai que les rédacteurs en chef de Libé et du Monde n'y croient pas une seconde et caviardent les articles publiés au livre de Pachepa dans ces deux journaux, et on n'en fait pas mention. Et mes grands-parents sont morts sans jamais avoir su la vérité sur leur départ de Roumanie. Ils connaissaient le nom du passeur, Jacobeur, qu'ils ont rencontré à deux reprises, une fois à Bucarest, une fois arrivé à Paris. Ils savaient le montant, l'argent qu'il a fallu donner, 12 000 dollars, c'était une fortune à l'époque, et en plus c'était des dollars, ce qui était inaccessible pour une famille en Roumanie, de l'autre côté du rideau de fer, bien sûr, se procurer des devises. Mais eux n'ont jamais su. Moi je l'ai su complètement par hasard. Le livre de Radu Ioanid, qui est le grand historien qui a mis au jour cette histoire, qui a travaillé sur une base de 20 000 pages d'archives, est paru qu'aux États-Unis et en Roumanie. C'est complètement par hasard que je l'ai vu circuler en France. Et il se trouve que lui, il a reproduit seulement une centaine de pages sur 20 000 d'archives de la Securitate. Au milieu de ces 100 pages, il y a le nom de mon grand-père. D'accord. Et comme ça, vous découvrez cette histoire. Et vous décidez de la raconter. J'ai bien compris que ce qui vous scandalise, qui vous blesse et qui finalement construit votre mission en écrivant ce livre, c'est bon sang, on n'a pas le droit de ne pas souvenir, on n'a pas le droit de ne pas savoir. Et vos grands-parents sont morts sans savoir qu'on savait. Et non mais c'est terrible. Non mais c'est ça. C'est le grand thème de la mémoire qu'on ensevelit. C'est le grand thème de la mémoire et en réalité, c'est-à-dire que pour comprendre comment on en arrive là, c'est-à-dire comment un État, parce que c'est la décision d'un État et c'est un scandale d'État, décide de monnayer des êtres humains, d'organiser une traite des êtres humains en plein milieu de l'Europe dans les années 60, il faut comprendre ce que c'est qu'un juif en Roumanie. Alors, pour être totalement précise, l'État roumain n'a pas vendu seulement ses juifs. L'État roumain a aussi vendu ses Allemands. Il y avait une petite minorité allemande qui vivait depuis très longtemps en Roumanie, qui était discriminée, méprisée depuis très longtemps et qui ont été vendus à la pièce. Il y avait un cours de l'allemand en fonction de l'offre et de la demande. Parce que, cher Fabrice, cette histoire concentre le pire du communisme, mais aussi le pire du capitalisme. Et de l'homme aussi, et de l'être humain. C'est ça. C'est tout se vend et tout s'achète. Et donc, chaque Allemand a été vendu. Pensez-vous à l'Allemagne de l'Est faisant partie du même bloc communiste que la Roumanie ? Pas du tout. À l'Allemagne de l'Ouest. Donc la Roumanie faisait du commerce avec l'Ouest. Donc on a vendu les Allemands, on a vendu les Juifs. Sauf que l'histoire des Juifs de Roumanie, et vous l'avez formidablement racontée et vous m'avez fait pleurer, parce que c'était un très beau récit, une très belle mise en onde. L'histoire des Juifs de Roumanie, c'est l'histoire vraiment d'un très long antisémitisme qui, vous avez raison, s'est poursuivi sous le régime communiste sans porter de nom. Donc oui, il fallait comprendre ce que c'était qu'un Juif en Roumanie, il fallait comprendre quelle était leur histoire, il fallait d'autant plus le comprendre que mes grands-parents n'ont rien raconté de ce passé juif. Eux-mêmes ne se sentaient pas juifs. Eux-mêmes ont changé de nom après la guerre. Eux-mêmes voulaient se débarrasser de cette histoire. Et eux-mêmes, Fabrice, ont, comment dire, cru très sincèrement à l'avènement de ce régime communiste comme comme l'occasion de bâtir un nouveau monde. Et une vie sans la peur. Une vie sans la différence. Parce que c'était l'avènement du genre humain et qu'il n'y aurait plus jamais de citoyens discriminés. Voilà. Il n'y aurait plus que des camarades. Ils y ont cru avec sincérité. Ils ont vu. Tout ça s'est passé sous leurs yeux. Exactement ce que vous racontez. Les bateaux qui partent en Palestine, la queue devant l'ambassade de Roumanie en 58, la meilleure amie de mes grands-parents qui a obtenu un feu vert pour le départ en Israël et qui ensuite sera mais vraiment bousillée. On lui fera payer, elle perdra son emploi, elle sera incarcérée. Voilà. Et tout ça, ils l'ont vu. Le limogeage d'Anna Pocker, qui est un acte, évidemment, une purge antisémite parce que ce sont les ennemis de l'intérieur. Ils l'ont vu. Et ils n'ont, en même temps, rien voulu voir. Alors, ah, voilà, j'allais vous dire, il y a peut-être encore quelque chose de plus grave. Pacheppa révèle tout ça en 87, on peut le lire en France en 88. On ne fait pas, et ce qu'on n'a pas voulu voir, ce qui serait plus grave que de ne pas voir. Est-ce que la France n'a pas voulu voir en 88? Est-ce que les journalistes français n'ont pas voulu voir? Je ne crois pas. Je pense qu'en 88... Ils étaient sincères quand ils disaient c'est trop gros, c'est pas crédible. Je pense qu'en 88, ils n'ont aucun moyen d'enquêter. Aucun. Aucun. Ouais. C'est-à-dire que les archives sont inaccessibles. Et Radu Yohanni, l'historien qui va ouvrir ces archives, raconte qu'il faudra encore 15 ans pour pouvoir accéder à ces pages-là. Et quand vous dites il y a des listes, il y a des inventaires, il y a des registres du commerce. À ma gauche, des listes de juifs. À ma droite, des listes de bétail et de tracteurs dernier cri. Donc ces archives seront accessibles beaucoup plus tard. Et en plus, il faut bien savoir que quand même, les Américains, la CIA en tête, s'est souvent employé à répandre des légendes noires pour durcir le tableau, pour noircir le tableau des régimes de l'Est. Donc il y avait toutes les raisons de se méfier. Et par ailleurs, et ça c'est passionnant, et moi ça m'a beaucoup ému d'entendre le rabbin Rosen, le grand rabbin de Roumanie, c'est qu'il y a une profonde différence de perception de cette histoire entre ceux qui l'ont vécu, ceux qui la regardent de l'extérieur. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai raconté dans mon livre, et c'est le point de vue que vous avez adopté aussi, c'est de raconter une immense faillite morale et un grand scandale politique. Exact. C'est-à-dire, on en vient à faire du commerce d'êtres humains. Je me suis rendue à Bucarest il y a peu de temps. J'étais l'invitée du Salon du Livre de Bucarest au milieu du mois de décembre. J'ai échangé beaucoup, on a parlé beaucoup. Mon livre n'est pas encore traduit en Roumanie, il le sera seulement au printemps. Mais déjà, il y a des premiers papiers qui sont sortis, même assez nombreux. Et qu'est-ce qu'il en sort de ces discussions? Il en sort que les Roumains avec qui je parle me disent « Vous ne vous rendez pas compte, pouvoir partir par la filière Jacobeur, c'était un privilège. C'était une chance. Eux, au moins, ils ont pu partir. » C'est-à-dire ce que moi je vois comme une immense discrimination qui en vient à faire de certains de ces citoyens des marchandises. D'autres y ont vu la chance, l'aubaine de pouvoir franchir le rideau de fer et de voir ses enfants grandir en démocratie. Et c'est ce qui a motivé le rabbin? C'était probablement, ça. Et c'est exactement ce qu'il vous dit, c'est-à-dire que s'il fallait recommencer à vendre et à marchander et à voir cet argent circuler, cet argent sale, on est bien d'accord, cet argent sale, oui, pour le moins, oui. Oui, cet argent est sale. Je le referais parce que ça a permis à des citoyens, à des familles entières d'accéder à la liberté et à la démocratie. Et au fond, je ne serais pas là aujourd'hui dans ce studio face à vous si ma famille n'avait pas été libérée. Au fond, c'est une rançon. Un peuple entier est pris en otage derrière le rideau de fer, des gens qui n'avaient rien demandé à personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mes grands-parents partent en 61, Ceausescu, vous l'avez dit, arrive en 65, et ensuite, ce régime ne va faire que tomber, plonger au plus profond de la répression et de la paranoïa. Les Roumains étaient privés d'avenir, privés de tout, mais d'abord d'avenir et d'espoir. Ce qui ne nous étonne pas de la part de Ceausescu, dont on a découvert les moult pratiques. Dérives. Enfin, on cherche les qualificatifs. On se retrouve, Sonia, dans 3 minutes, après avoir écouté M, ce jour-là. Ce jour-là, j'étais arbre. J'étais source, j'étais herbe, j'étais pierre, j'étais toi, j'étais nous. Ce jour-là, I'm not afraid to die. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Sonia de Villers, on se disait pendant le disque, on revenait sur l'attitude de nos confrères et de nos consoeurs quand ils ont vu ça, qu'ils se sont dit non, c'est énorme, c'est le CIA qui fait des fake news. C'est vrai que professionnellement, c'est rien de scandaleux. On peut les comprendre. Mmh. Bon, c'est un ratage au bout du compte. Puis on se disait, ça n'a rien à voir, mais Timișoara, c'était aussi en Roumanie et c'était un énorme ratage. Bon, on revient à notre sujet. Comment c'est perçu en Israël maintenant? Alors en Israël, c'est encore une histoire compliquée. C'est encore une histoire compliquée. Il se trouve que Radu Ioanid, l'historien roumain qui a vécu 35 ans aux États-Unis, où il a travaillé au mémorial de la Shoah, qui a mis au jour cette histoire, est aujourd'hui ambassadeur en Israël. Et il dit que c'est encore une histoire compliquée. C'est une histoire compliquée à assumer du côté de la Roumanie, et c'est une histoire compliquée à assumer du côté d'Israël. Ah oui, et ce qui me paraît assez logique d'ailleurs. Vous racontez dans votre livre un autre aspect de cette histoire de la Roumanie communiste. Au même moment, quand le pays échangeait ses juifs contre des vaches, des cochons, des tracteurs, on en passe. On y menait une véritable entreprise de destruction de chevaux. Des chevaux dans les campagnes roumaines. Et pourquoi ? Des chevaux. Et ça aussi, c'est une histoire dingue et j'ai été obligée de la faire authentifier par des historiens de peur, encore une fois, de colporter une légende et de coopérer à une fake news fabriquée par la CIA. Ouais. C'est-à-dire que ça a été un grand pays du cheval, la Roumanie, et c'était aussi un grand pays agraire, et que, évidemment, le Parti communiste, voulant moderniser à marche forcée son agriculture, repère le cheval comme, on va dire, une sorte d'archaïsme chez les paysans. Et prend en grippe... Oui, la charrue, tout ça. La charrue, voilà. Etc., au lieu du tracteur. Bien sûr. Bref. Et le tracteur, qui sera d'ailleurs un des emblèmes de la République populaire roumaine, ça sera même sur le drapeau. Et on va se mettre à détruire les chevaux. Mais comment justifier cela? Eh bien, on justifie cela, c'est que l'urgence, la priorité absolue, c'est acheter des porcs, c'est l'élevage porcin. Comme un peu partout en Europe, comme en France, par exemple, en Bretagne, qui est une grande région d'élevage porcin, c'est exactement à la fin des années 50, au début des années 60, qu'on fait venir des espèces qu'on achète en Europe du Nord pour créer ces élevages intensifs. La Roumanie va faire exactement la même chose et c'est son absolue priorité. Et c'est là qu'on voit comment, dans cette folie absolue, l'humain devient une variable d'ajustement administrative. Donc, on va vendre des juifs, donc des êtres humains, le vivant, on va vendre des juifs pour acheter des porcs. Et les chevaux sont accusés de manger l'avoine qui servirait à nourrir les porcs. Donc on va faire exécuter les chevaux. Il y a pratiquement 700 000 bêtes qui sont massacrées, purement et simplement massacrées. Et on va vendre les juifs, tout ça pour acheter les porcs et nourrir les porcs. Un régime de sociopathe, hein, où la frontière entre le bien et le mal. C'est ça. Complètement oublié. On va écouter une autre voix, si vous voulez bien, sur le même sujet. L'extrait de l'interview de l'autrice et anthropologue Maria Mela sur France Culture, dans une émission consacrée aux Juifs et aux Tziganes de Roumanie. Elle parle de ce commerce. C'était pas des portes ouvertes, c'était des marchandises. Ça, c'est autre chose. Pour tout ce qui était de devises ou des possibilités que Ceausescu et son régime gagnent un peu de sous, ça se faisait. Hein. Avec les enfants, c'était pareil pour l'adoption. Avec les Juifs, c'était pareil. Avec les Allemands, les Roumains d'origine allemande de Transylvanie, c'était pareil. Tout ça, c'était du commerce. Alors, ça signifie donc que Ceausescu vendait ses Juifs à Israël qui les achetait? Ah oui, c'était ça. C'était combien le prix d'un juif? De mon point de vue, je ne me souviens plus des prix et je crois que j'ai fait aussi un oubli volontaire parce que ce sont des choses qui me révoltent beaucoup. Mais c'était de notoriété publique? Ah oui, c'était très connu. On discutait, tout le monde savait. Et ça, par contre, pour les Roumains, c'était vu comme de nouveau ces sacrés juifs qui arrivent de quitter la Roumanie. Et nous, qui nous sommes des Roumains, n'est-ce pas? On n'a pas des parents à l'étranger, on ne peut pas quitter. Et ça a augmenté encore l'agressivité. Alors, on a diffusé cet extrait pour montrer le sentiment qu'on peut avoir quand on entend ça, et même de la part de la personne qui parle. Mais oui, vous savez, c'était très connu. C'était un privilège. Et puis, voilà, alors, elle met le doigt là-dessus, sur le fait qu'on est juif, donc on a le droit de partir. Si on est roumain, pas juif, on est coincé dans un pays où il ne fait pas bon vivre, et c'est révoltant. Et donc, on est coincé dans cette éternelle discrimination, et dans cette éternelle agressivité, dans cette éternelle jalousie. C'est quelque chose qui se perpétue. Mmh. C'est quelque chose qui se perpétue, mais vous savez, vous avez parlé d'Anne Napoléon. Drucker qui aurait dû être en fait la leader juive communiste roumaine, elle aurait dû l'être et Staline n'a pas voulu qu'elle le soit. C'était elle naturellement qui aurait dû être choisie. Et Staline a dit à l'époque, je veux un vrai Roumain. Donc elle était juive, elle n'était pas considérée comme un vrai Roumain. Donc il y a quelque chose là de profond et d'ancestral. C'est-à-dire l'idée que le juif n'est pas un vrai Roumain. Et puis l'idée du cosmopolitisme, réel ou supposé, réel parfois, supposé d'autres fois, et qui heurte l'idéologie communiste. Ah bah, c'est-à-dire hein, c'est vraiment, ouais. De toute façon, il devient un véhicule de l'antisémitisme. Voilà, il devient un des mots de l'antisémitisme, avec l'idée que quand on est cosmopolite, on est sans racines, on est apatride, et donc on est un éternel traître supposé à la patrie. Donc ce cosmopolitisme supposé devient un véhicule de l'antisémitisme dans les pays de l'Est. Est-ce que c'est une spécialité roumaine, ce commerce des Juifs ? Est-ce qu'on sait si dans d'autres pays européens, notamment de la Mitteleuropa, hein, on s'est adonné à ce genre de pratique ? Alors, la Bulgarie, la Pologne, pays dans lesquels l'antisémitisme a fait des dégâts aussi. Hein ? Alors, en fait, il faut prendre plutôt cela du point de vue d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël a eu besoin de se peupler. Et Israël a procédé à des achats de population, ou en tout cas à des deals financiers dans plusieurs pays. Pas seulement la Roumanie, notamment par exemple le Maroc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'affaire roumaine, elle est manifestement la plus ample, la plus impressionnante et la plus longue de toute cette histoire commerciale, parce que c'est une histoire commerciale. Et l'histoire de Shai Kedan, qui est donc cet agent du Mossad, oui, qui toute sa vie s'est occupé justement d'aller récupérer des populations juives et d'organiser leur transit vers Israël, il a très vite repéré Jacober. Qu'est-ce que c'est que ce passeur qui fait du business dans son coin sur le dos des juifs ? Il l'a très vite repéré. Il lui a envoyé un petit commando à Londres. D'abord, il y a eu une phase d'intimidation. Ils lui ont fait très très peur. Hein. Ils l'ont menacé de le jeter dans la Tamise, de séquestrer, etc. Il a eu la peur de sa vie, le Jacober. Et le Jacober, qui est manifestement un homme très cynique, en même temps quelqu'un de très réglo, parce que toute ma famille lui doit la liberté. Hein. Ma mère, ma tante, mes grands-parents et mon arrière-grand-mère, ils sont 5 à être partis grâce à Jacober. Jacober a compris que s'il faisait alliance avec les Israéliens, il allait pouvoir poursuivre son business, qui manifestement était très rentable. Donc il a fait alliance avec les Israéliens. Et ensuite, les Israéliens se sont dit, et c'est Ben Gourion en personne, hein, c'est le premier ministre israélien qui a tranché l'affaire, c'est d'un point de vue moral. Est-ce qu'on peut avoir affaire à un escroc et à un maquignon pour organiser l'alliade des Juifs roumains vers Israël ? C'est une vraie question. Hein. Et au fond, Ben Gourion dit, ce genre de choses-là, on l'organise pas. Avec des rabbins, on l'organise pas avec des sages, on l'organise avec des voyous. Et c'est le cas, effectivement. Sonia de Villers, merci infiniment. Votre livre donc s'appelle Les Exportés, paru chez Flammarion. Ça a été quoi les... Ah, j'ai plus le temps, là, on n'a que 15 secondes. les prolongements de votre livre, vous avez eu des échos... Des échos immenses. Des échos immenses, notamment parce que j'ai été contactée par des dizaines, voire des centaines de familles dont c'est l'histoire. Voilà, mais ça ne fait que commencer, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Sonia. Au revoir et à demain matin, 9h. Oui, juste après 9h10. Voilà. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le troc des Juifs roumains contre du bétail. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Antoine Teboul.